Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Je suis Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, quelqu'un qui a fait un long voyage dernièrement dans une voiture de luxe avec sa douce moitié, mon collègue et ami Marc Bouchard. Salut Marc! Salut mon cher! Et oui, d'ailleurs, justement, on en a parlé la semaine passée, mais là, cette semaine, c'est Linda elle-même qui va venir vous en parler. Ben oui! Quand même! Ben oui, parce qu'on la voulait de retour sur l'émission. C'est ça, effectivement. Bon, je peux pas dire qu'elle tripe tant que moi de faire ça, par exemple. Pourtant, elle l'a fait. La dernière fois, tu m'en avais parlé, elle aimait vraiment, vraiment beaucoup ça. C'est peut-être... Ouais, mais là, c'est peut-être une question de timing, peut-être, je sais pas. En tout cas, mais c'est pas grave, elle l'a fait avec beaucoup de plaisir. Et on s'est quand même beaucoup amusé à parler de cette voiture-là qui, vous allez le voir, est une belle voiture. Une bonne voiture. Bon, j'imagine une Audi. Fort agréable. Oui, j'imagine que c'est pas. T'es pas allé là en lada, là. Ça doit être quelque chose d'assez agréable, surtout convertible et tout ça. C'est sûr que sur l'autoroute convertible, c'est un peu ordinaire, mais quand tu tombes dans les petites routes, là, sur le bord de mer, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment agréable. Mais. Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, on va avoir cette entrevue-là avec toi et ta douce, parce que t'as eu ta douce en entrevue, on va dire. Et puis, ensuite, on va revenir avec un bloc essai qui va être pour toi la Mercedes S560 Cabriolet, parce qu'on fait dans les... T'sais, tant qu'à parler de cabriolet de luxe, on va parler de cabriolet de luxe. Et puis, moi, je vais vous parler de mon avant-dernière Mazda, la Mazda 6. Je vais terminer la semaine prochaine avec la Mazda MX-5 RF, qui est la Miata à toit rigide que ma foi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai resté surpris comment que les gens sont attirés par cette voiture-là, plus que la version à toit souple. C'est vraiment incroyable. Oui, mais elle est très, très belle. Ouais. Excuse-moi, elle est très, très, très, très belle. Elle est magnifique. Elle attire vraiment. Elle est beaucoup plus chère, cependant. Oui. Mais elle est vraiment très belle. Moi, je l'ai conduite aussi, donc on aura l'occasion de s'en reparler. Et là, ben, il va arriver bientôt la nouvelle, la 2019, qui est un peu plus puissante. Fait qu'on aura aussi l'occasion d'en glisser un mot. Oui, en même temps, la semaine prochaine. Effectivement. Puis en attendant, mais on va bien sûr parler de la Audi S5 Cabrio avec Linda, tu l'as mentionné. Alors, on va faire nos autres essais, bien sûr, et on vous rappelle que c'est une petite émission un petit peu plus courte que d'habitude, parce que, il y a des circonstances dans la vie, des fois, qui font qu'on n'est pas aussi disponible qu'on souhaiterait. Alors, on espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur et que vous serez encore nombreux à nous écouter un peu partout. Ouais, donc, mais vaut mieux une émission un peu plus courte que pas d'émission du tout. Donc, c'est ce que je me dis. Donc, Marc, on va aller à votre petit bloc que vous avez fait, toi et Linda, et puis on revient ensuite avec nos essais de la semaine. OK, mais un petit segment spécial ce matin, on vous en a parlé la semaine dernière, c'est le retour de Linda dans le podcast parce que, on vous l'a dit, on a fait l'essai de la Audi S5 Cabriolet ensemble parce qu'on est parti en vacances avec ça. Et faut que je dise, Linda, que sur le coup, tu n'étais pas sûr, mais qu'après quelques jours, tu avais comme changé un peu d'idée. Quelques jours, quelques minutes, j'avais changé d'idée. Non, c'est une voiture qui était absolument magnifique, confortable, décapotable par-dessus le marché. Alors, oui, c'était absolument génial. Bon, il faut dire aux gens que pour certains éléments dans une voiture, toi, la performance, ça t'intéresse moins? Pas tellement. Par contre, les sièges massants de la Audi S5 t'ont gagné dès le départ. Oui, ça, c'était l'option. Il faudrait que je prenne une voiture, mais bon, c'était oui l'option qui m'a fait basculer encore plus vers le road trip qu'on s'en allait faire. Ouais. Il faut dire aux gens qu'on est parti de chez nous sur la rive sud de Montréal et on s'est rendu dans la région de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Oui. Donc, on a fait pas mal d'autoroutes. On va dire, bon, d'une part, il faut dire que bon, c'est la Audi S5, on parle d'un moteur V6 3 litres de 354 chevaux, une transmission automatique 8 rapports, vraiment une voiture qui se comporte super bien sur la route, suffisamment d'accélération, on était vraiment là, on niaisait pas. Et t'es pas quelqu'un qui est, comment pourrais-je dire, très en confiance, même si tu me fais confiance au volant, disons que t'as tendance à être un peu nerveuse comme passagère. Tu t'es jamais sentie vraiment nerveuse au moment où tu étais dans la S5? Non, jamais, mais j'ai jamais dormi non plus. ça, c'est rassurant, je suis pas trop ennuyant. Mais non, j'étais pas nerveuse, j'étais en confiance. La voiture, comme je te dis, il était déjà très confortable et j'avais aussi toute l'excitation de partir en vacances ensemble, ce qui se faisait tellement longtemps. Effectivement. Bon, on va dire qu'on on est parti de chez nous, on s'est rendu donc à Fredericton. Petit arrêt, mais très très bref en montant, parce qu'on n'a pas vraiment eu besoin de s'arrêter. Même si toi, tu as des problèmes de dos, normalement, des longues randonnées comme celle-là, le confort, c'est un problème. Et là, vraiment, bon, oui, on a parlé des sièges massants un peu à la blague, mais il y avait quand même trois types de massages, sièges chauffants. Donc, tu étais capable de supporter assez facilement les longues randonnées sans trop de difficultés. Mais il y avait beaucoup d'espace aussi parce que le siège circulait énormément, chose qui n'est pas toujours pareil dans les convertibles. Habituellement, c'est des deux places, donc le siège ne recule pas beaucoup. Là, le siège se reculait énormément, ce qui me faisait énormément de place pour les jambes. Et je pouvais changer de position régulièrement, ce qui n'a pas été un problème pour mon dos. Vraiment pas. Et parfait. Alors, comme je dis, c'était de l'autoroute, donc on s'est rendu assez facilement. 9,2, 9,3 litres au centre de consommation, ce qui est excellent. On s'est arrêté une seule fois à mettre de l'essence en montant. On en a profité pour s'acheter des petits sandwichs sur la route et on a continué. Une fois rendu dans la région de Fredericton, on a eu l'occasion, bon, on a roulé un peu plus en ville, on s'est promené un petit peu et on est allé même dans la région de St. Andrews, qui est un endroit magnifique si vous n'êtes jamais allé. Un endroit où les chiens sont les bienvenus, on l'a vu partout. On a d'ailleurs regretté de ne pas avoir amené les nôtres. Et un endroit où vraiment la petite route est un peu plus sinueuse, donc on a travaillé un peu plus avec la voiture. Et malgré tout, encore une fois, tu n'as jamais ressenti l'inconfort du mal des transports. Comme passagère, on longeait la baie de Fundy sur des petites routes de campagne montagneuse. Et pour toi, ça n'a pas été un gros problème. Non, pas du tout. Non, non. J'avais trop de... Ma concentration était sur le paysage, pas sur le confort. Bon, il faut dire que si vous êtes jamais allé dans la baie de Fundy, là, c'est vraiment un paysage absolument spectaculaire. Sur le retour, bon, dans la région de Fredericton, on allait voir là-bas de la famille. On est parti, quatre adultes, pour aller manger au restaurant. On a pris la S5 et tu l'as mentionné tantôt, l'espace intérieur n'a jamais été un problème, ni pour nous à l'avant, ni pour les passagers arrière. Surprenamment, non. L'espace arrière, je suis relativement très grande, l'espace arrière, j'étais très, très confortable. Même le toit mis, j'étais extrêmement confortable. Bon, c'est sûr que c'est pas facile de sortir d'un deux portes, mais je pense que, bon, n'importe quelle voiture, deux portes, sortir de l'arrière, c'est un art. Mais pour le reste, non, c'est très, très, très confortable. Et même au retour, quand Fiston s'est assis en arrière, il y avait de l'espace. Là. Lui, il est très, très, très grand. Et il y avait de l'espace en masse avec le toit remis et tout. Ouais, ça, c'est le bémol, cependant. Quand le toit est en place, OK, oui, à l'intérieur, on a de l'espace. C'est bien insonorisé. Oui. On a vraiment l'impression que c'est un toit dur. Quand il est enlevé, bien sûr, c'est super agréable. On va y revenir. Mais l'espace dans la valise, quand le toit est enlevé, écoute, on a eu droit à une petite partie de Tetris, là. Oui, mais c'est parce qu'il ne faut pas mettre des choses trop hautes autour du câble de plastique qui reprend le toit. C'est la seule affaire qu'il ne faut pas oublier. Le reste, oui, on a dû jouer à des parties Tetris. Par contre, l'espace dans la valise est quand même relativement grand. On partait chacun avec notre valise. On avait amené une poche de blé d'Inde. On avait des sacs. Alors, la valise arrière répond exactement aux besoins pour un voyage comme celui-là. Effectivement, mais comme tu l'as mentionné, il faut faire attention à comment on place les matériaux. Pourquoi on vous dit ça? Parce que quand on ouvre et on ferme le toit, ben ça va très bien s'il n'y a rien. S'il y a quelque chose qui bloque la portion, évidemment, le toit ne bougera pas, ne s'ouvrira pas. Il faut préciser que le toit, heureusement, se referme quand on est à 50 km/h ou moins. Donc, on n'est pas obligé de s'immobiliser complètement, ce qui est une bonne nouvelle, parce que sur le retour... Bon, je dois vous dire qu'on a passé par la région du Témiscouata, qui en passant est absolument magnifique aussi. Des belles routes, bien qu'il y avait des travaux et qu'on a été coincé un peu allègrement dans la poussière. Mais les routes de campagne étaient agréables. On s'est arrêté par la suite à Rimouski. On est allé voir des amis. J'ai fait une chronique radio là-bas. On est allé manger dans un petit resto. C'était vraiment le fun. Et on est revenu. Et dans la région... Et là, il faisait beau. Il faisait un temps magnifique. Bon, un peu de brume à Rimouski, mais bon, ça a bien été. Et rendu dans la région de Québec, aux catastrophes, on voit le ciel noir qui s'en vient. Et là, il se met à pleuvoir. Oui, puis c'est pas... il pleut, là. Il mouille. Et il décorne. Ah non, ça n'a aucun bon sens. Et tout ça dans une zone de travaux. Parce qu'il faut savoir que quand on roule avec le toit enlevé, on ne sent pas la pluie. Alors les gens, on a pogné des petites averses. On roule, on ne sent pas la pluie. Alors on roulait avec les wipers. Mais on était, nous, à l'intérieur, hyper confortables. Mais dans la région de Québec, on était dans une zone de travaux. donc relativement arrêté. Et là, il s'est mis à mouiller, mais mouiller, là. Oui. Et là, les gens derrière nous se moquaient de nous parce qu'on avait le toit baissé. On roule 40 km/h dans une zone de travaux, donc pas d'accotement, impossible de s'arrêter. Et c'est là qu'on a très fortement apprécié le fait qu'on pouvait remettre le toit en place. Et on l'a donc mis en roulant. Ça a fait changer de face un peu les gens qui nous suivaient, fort heureusement. Et ça a permis de conserver ma mise en pli parce que vraiment, là, il pleuvait de façon incroyable. Ça a duré 10 minutes à peine. Oui. On a pu réouvrir le toit très rapidement par la suite. On a juste pris une bretelle de sortie, on a réouvert le toit, on a continué notre route. Honnêtement, ça, c'est un élément que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé ici. Bon, on en a parlé du confort, on a parlé de la performance, parlé du look. La voiture a attiré l'attention. Oui, beaucoup les regards. Et oui, elle est très belle. Très belle, surtout que la nôtre était d'un bleu marine foncé. Donc, vraiment un beau compromis entre la puissance, entre le plaisir de conduire, parce qu'il y a différents modes de conduite que l'on peut manier, et ça, c'est vraiment intéressant. La puissance, je vous en ai parlé, c'est un moteur V6 3 litres turbo, donc amplement suffisant pour se déménager. Et le confort et le, comment je pourrais dire, tu te sens pas dans une voiture de performance. Même si c'est une auto qui est quand même capable d'en donner, tu te sens pas dans une voiture de performance. Non, pas du tout. Tu te sens dans une voiture, une grande voiture. C'est pas petit, c'est bien aménagé, tout est accessible, facile d'accès, même les commandes, la musique, pour tout est facile d'accès. Faut avouer que ça, quand on arrive avec l'espèce de système, des fois, là, c'est un peu plus compliqué. Mais malgré tout, on finit par s'y habituer. C'est le fameux système MMI d'Audi, là, le système multimédia interface, qui bon, est moins agréable, mais on finit par s'y retrouver. On a un petit peu ragé pour rentrer certaines adresses au GPS parce qu'on changeait de province, donc il fallait aussi aviser notre GPS et c'était pas nécessairement si simple. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a été une belle expérience. Alors, si je te demandais... Résumé, deux mots, une note sur 10 sur la Audi S5 pour toi comme passagère, parce que tu n'as pas vraiment conduit. Non, je peux conduire. Alors, une note sur 10 comme passagère? 9. Eh mon Dieu, OK. Alors ça veut dire que ça risque de me coûter un peu plus cher que je pensais. Parce que la voiture, quand même, il faut le dire, c'est, la version 3 litres, c'est 76 600 $. Celle qu'on avait des options. On parle de 85 000 $ dans le cas des options. Bien sûr, c'est... 85 000 avec les sièges massants, là. Oui, avec les sièges massants. Parfait. Mais il faut préciser que, bien sûr, il existe une version Audi A5 un peu moins puissante, mais dont le prix de base est de 46 000 $. Et si vous êtes très, très, très choqué, mais ça, je vais vous en reparler un peu plus tard, il y a aussi la RS5, qui, elle, est un coupé, n'est pas cabriolet. Mais elle, je la conduis à partir de la semaine prochaine. Donc, celle-là, c'est vraiment la plus puissante. Alors, voilà. Alors, Linda, on va se quitter là-dessus. On va retourner à l'émission ordinaire et on retrouve Luc Desormeaux après la pause. Nous sommes de retour. Et Marc, après cette fabuleuse entrevue avec ta conjointe, on va maintenant passer à nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'une voiture qui, j'imagine, compétitionne un peu avec ce que tu avais pour aller au Nouveau-Brunswick, la Mercedes S560 Cabriolet. Ah, je dirais pas vraiment, parce qu'on parle d'une voiture qui est un niveau en haut. OK. Vraiment. La S-Class, c'est la plus grande des Mercedes. Je te dirais que si on veut comparer la S, il faudrait comparer ça probablement à la E chez Mercedes. OK. Donc, puis même, ouais, c'est à peu près la E. Alors que la S, c'est vraiment la coche en haut, c'est la très grande Mercedes, c'est la plus grande, c'est presque une limousine en fait. Pourrait-on penser, mais honnêtement, pas tant que ça. C'est un peu surprenant d'ailleurs, parce que même si elle est grosse, l'espace intérieur n'est pas si évident que ça. Okay. Pour les passagers, à l'avant, tu n'as pas de problème, tu as du dégagement en masse, mais à l'arrière... Si tu sais, bon, je donne toujours l'exemple de mon grand fiston qui est un peu trop grand pour sa propre santé. Et là, évidemment, il est un peu squeezé à l'arrière. Tu sais, il ne ferait pas de très, très longues randonnées à l'arrière. Il est capable de s'en aller passer la soirée avec nous si on va en ville, mais au-delà de ça, là, pas nécessairement. Okay. Et ça, c'est la partie décevante, mais c'est probablement la seule. C'est-tu à cause du cabriolet puis de la manière qu'on ferme le toit, qu'on perd beaucoup d'espace comme dans le coffre, puis on a joué là, ou c'est même la version non cabriolet de la voiture? Non, c'est vraiment à cause du cabriolet. Là. Okay, c'est vraiment okay. ça. Puis encore, tu sais, c'est pas à ce point catastrophique, mais c'est probablement la déception. L'autre déception, en fait, il y en a une autre, c'est l'absence de bling-bling. Et là, je m'explique. Quand tu payes une voiture ce prix-là, parce que le prix de base, c'est quand même 175 000 $ ou à peu près, là, okay. Ouais. Tu t'attends d'avoir un look assez unique, assez particulier. Or, dans le cas de la S560, on a voulu garder une certaine sobriété. La voiture que j'avais, elle était noire, avec l'intérieur noir. C'est un peu ennuyant de noir. Ouais. Bon, tu peux avoir d'autres options, mais quand même. Il y a un peu de chrome à l'extérieur, mais c'est rien de très imposant. Et honnêtement, je trouvais qu'elle était un petit peu trop anonyme. Que genre furtive, bon. Presque furtive, là. Effectivement. Ouais. En fait, souvent, les gens la confondent avec la coche plus petite qui est la classe E, ce qui est un peu plate. Parce que la S, tu sais, tu payes pour une voiture qui est vraiment haut de gamme et tu te retrouves avec les gens qui s'imaginent que c'est la moyenne gamme. C'est moins intéressant, je pense. Okay. Évidemment, encore une fois, la question, c'est est-ce que comme propriétaire de classe S, tu veux absolument être à ce point visible? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Ouais, possiblement pas. C'est ça. Puis il existe des possibilités. Tu as des combinaisons de rouge à l'intérieur, des trucs comme ça. Donc, il y a moyen toujours de la modifier, mais dans l'ensemble, c'est quand même étonnant de constater cet élément-là. Donc, ça, c'est la partie... Je te dirais, ça, c'était les parties négatives de la voiture. Le reste, j'ai pas trouvé rien de négatif à dire sur cette voiture-là. C'est un monstre. Écoute, on parle là, de la S560. C'est un V8 biturbo 4 litres de 463 chevaux. Et de 516 livres-pieds de couple. OK, ça doit être intéressant, ces accélérations, par exemple. Exactement. Ouais. Et tu peux la mettre en mode confort. Évidemment, là, tu profites de la randonnée et tu te promènes en bateau, tout simplement. Mais tu peux aussi la mettre en mode sport. Et là, mon ami, c'est vraiment impressionnant de voir comment les accélérations sont vives. T'as pas de délai. Ça a beau être un turbo, là, regarde, t'accélères, t'as pas de délai. Faut dire que la transmission est absolument spectaculaire aussi. Donc, c'est une voiture qui vraiment est étonnante comme conduite sportive, malgré ses dimensions, malgré sa personnalité beaucoup plus luxueuse. Okay. Évidemment, ça demeure aussi un cabriolet, gros cabriolet, confortable. Il y a un système de son Burstmeister à l'intérieur qui est absolument spectaculaire. On a l'impression d'être dans une salle de concert, littéralement. Et comme d'habitude chez Mercedes, il y a une qualité de finition incroyable, même au niveau des haut-parleurs de Burstmeister, qui sont comme des espèces de grilles chromées, qui sont entre autres logées sur l'espèce de planche arrière, là où le toit se referme. C'est vraiment beau. Ça donne vraiment un look absolument incroyable. En tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce style-là. Évidemment, pour la conduite, je l'ai dit, c'est une conduite que tu peux mettre en mode dynamique. Tout peut être mis en mode dynamique. Tu peux même ajouter les sièges en mode dynamique. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est que les sièges se gonflent au fur et à mesure d'un côté ou de l'autre pour pouvoir te garder toujours dans la bonne position. Bon, on est rendu avec des sièges, comment est-ce qu'ils appellent ça, là? Siège actif. Ouais, au cinéma, là, tu peux acheter des billets avec des D-box, sièges comme là. Ça, des D-box. On est rendu avec des sièges D-box dans les Mercedes. en fait, ça fait plutôt longtemps qu'on l'a, mais effectivement, c'est vraiment un système qui est très, très efficace, que tu peux désactiver, hein, par ailleurs. Tu n'es pas obligé de toujours l'avoir, là. Tu peux le désactiver. C'est vraiment, vraiment... moi je pourrais dire c'est une option que tu utilises quand tu fais une conduite dynamique, mais bon, ce qui ne doit pas arriver pas souvent ça. Dans ce genre de voiture là. Non, effectivement, il faut aussi préciser, bon, évidemment, siège chauffant, siège ventilé, hein, rien de moins, et bien sûr les sièges massants, ce que mon épouse a particulièrement apprécié comme passagère, bien entendu. Oui, la mienne aussi apprécie beaucoup les sièges massants. Ouais. Ouais, c'est ça, mais particularité, il y a, parce que c'est un cabriolet, elle a ce qu'on appelle le air scarf. Scarf, c'est le petit jet d'air chaud qui te vient dans le cou, que tu peux activer au besoin. Et honnêtement, ça vraiment, peu importe la température, c'est sûr que là, il a fait chaud, là, mais même dans des soirées plus fraîches, tu roules avec ça et tu n'as vraiment, vraiment, vraiment pas de misère à t'amuser et à apprécier le confort. Bien sûr, c'est une Mercedes, tu as donc tous les systèmes technologiques là, de sécurité, bon, évidemment, affichage tête haute, mais aussi l'aide au maintien en voie. Tu peux, tous les systèmes fonctionnent, l'aide au freinage et tout ça. Tu as deux gros écrans d'affichage devant toi de 12,3 pouces pour être précis, côte à côte, ce qui fait que tu as l'impression d'avoir un immense panneau d'affichage devant toi. Au centre, bien entendu, c'est tout le système traditionnel. Devant toi, ce sont les différentes composantes techniques de la voiture, accélération et tout ça. Mm-hmm. Tu peux modifier cet affichage-là au besoin. Tu as des modes, là, un mode sport, un mode moderne. En tout cas, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais tu as trois modes, donc tu peux modifier ces affichages-là. C'est vraiment magnifique. C'est super beau, à mon avis. C'est un des plus bels intérieurs que l'on peut faire dans ce cadre-là. Bien sûr, tu as tout ce que tu veux. En fait, l'idée, c'est que justement, tu as à peu près tout ce que tu veux dans cette voiture-là, y compris un toit que tu peux ouvrir ou fermer au besoin. Donc, c'est vraiment une voiture qui est difficile de critiquer de quelque façon que ce soit. Peut-être un peu trop, comme je l'ai dit, un peu trop anodine, un peu trop anonyme, ce qui est un peu décevant. Mais dans l'ensemble, elle est vraiment, vraiment spectaculaire en conduite, autant en mode confort qu'en mode sportif. Elle est capable d'adapter sa personnalité aux deux versions. Et dans tous les cas, elle est extrêmement homogène. Tu n'as pas l'impression que juste parce qu'on a mis de l'argent, on a décidé de mettre un gros moteur, mais que le reste n'a pas suivi. Donc. Okay. On a vraiment les suspensions qui vont avec, la direction qui vont avec. Donc, quand tu veux le faire, tu as la possibilité de le faire. Quand tu veux juste apprécier le confort et rouler tranquillement, ben tu le fais. Donc, c'est vraiment en soi une voiture qui est exceptionnelle à un prix, je l'ai dit, qui est aussi exceptionnel. 173 000 $ de base. Mais si tu rajoutes les options, tu sais comment ça marche chez les Allemands. Ouais, tu doubles le prix de la voiture. Quasiment. On peut aisément aller jusqu'à 250 000, 260 000. Donc, c'est une voiture incroyable. C'est vraiment... Petit détail aussi, la S560 n'est pas à rouage intégral. Il faut pour ça opter pour les versions AMG. Alors, je ne suis pas rendu là encore. Je ne suis pas plus dans la S560, tu vas me dire, mais je ne suis pas rendu encore à payer pour les versions AMG. J'imagine une version AMG de cette voiture-là doit être doit commencer à 200 000, j'imagine. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Là. Je t'avoue que je n'ai pas regardé la liste de prix parce que des fois, ça me donne un petit peu d'urticaire. Ouais. Je trouve ça très, très, très dispendieux. Mais dans l'ensemble, tu vois, si je vais voir, par exemple, le prix pour une version AMG, par exemple, si je prends la cabriolet, la AMG S65 cabriolet vaut 277 000. Ah oui. Bon, tu peux être plus raisonnable et aller chercher la 4MATIC S63 pour à peine 197 000 $. Ah, à peine. Mais ça va être beau la négociation à la table de cuisine. Chérie, j'aimerais m'acheter une voiture, mais on a le choix. Est-ce que tu veux une nouvelle maison ou tu veux qu'on s'achète une voiture? Exactement. Quand tu roules avec une voiture qui vaut aussi cher que ta maison, c'est sûr que les gens qui s'achètent ça ont des maisons plus chères que les nôtres. C'est ça. Mais il faut que je te dise que c'est un peu particulier cette semaine-là, puis je vais en reparler la semaine prochaine. Mais au cours de la semaine, parce qu'il y a des voitures qu'on n'a pas souvent l'occasion d'avoir. Fait, quand on nous les propose, je dis oui. Ouais. Et cette semaine-là, j'avais deux voitures, exceptionnellement, parce qu'il y en a une à laquelle je n'ai pas voulu dire non, c'est la Audi R8 Spider. Oui, clairement. Donc, La semaine dernière, j'avais donc la Mercedes S560 et la Audi Spider dans ma cour. Ouais, fait que là, tes voisins ont dû commencer à se demander si t'étais pas devenu producteur officiel de potes pour le Canada en entier. Oui, et je t'avoue que je dormais mal et que j'allais vérifier souvent si mes voitures étaient toujours en place. Tu mets ton cadran aux 10 minutes pour te réveiller pour aller voir si les autos sont toujours là. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je peux comprendre mais le stress. Toi, t'es allé de façon un peu plus raisonnable, ben là. Oui, moi, je suis allé dans la Mazda 6 voiture qui, ma foi, n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir. C'est une voiture qu'on voit pas beaucoup sur les routes du Québec. C'est sûr que les voitures de cette taille-là ont perdu beaucoup de popularité. Les gens vont plus vers des VUS maintenant ou des plus petites voitures. Fait que c'est une catégorie qui est quand même assez populaire, mais ces voitures-là, on n'en trouve pas beaucoup sur la route. Des Mazda 6, j'en vois de temps en temps, mais j'en vois pas nécessairement beaucoup. C'est une voiture qui est extrêmement confortable, qui est dynamique. Puis ce que j'ai bien apprécié aussi, c'est que Mazda m'a pas prêté la version la plus haute de gamme. Parce que normalement, tu le sais comment ça fonctionne dans les voitures de presse. Oui. Normalement, c'est ce qu'on appelle l'arbre de Noël. La pizza all dress avec tout ce qui est possible et imaginable dessus. Là, j'avais une version milieu de gamme qui valait 33 600 $. Donc, c'est vraiment la version qui est la GSL. Avec la boîte automatique, c'est vraiment comme la voiture qui se ramasse comme dans le milieu. T'as le modèle de base à 25 000 $, après ça t'en as une qui est comme 31 600, t'as elle à 33 600, puis après ça mais là, tu tombes dans la GT puis dans la signature est 38 800. C'est une voiture qui est quand même bien équipée, j'avais tous les systèmes d'aide à la conduite, la détection de changement de voie puis ces choses-là, le régulateur de vitesse adaptatif. C'est une voiture qui est vraiment jolie. Elle a une espèce d'allure un peu plus agressive que beaucoup de véhicules dans cette catégorie-là. Puis c'est une voiture qui a, même si elle a été refaite il y a quelques années, Mazda l'a modifiée juste assez pour lui garder une allure jeune. C'est pas une voiture qui a mal vieilli comme d'autres voitures, comme la Fusion, mettons, chez Ford, qui vieillit elle mal. Elle intègre encore le design, le fameux design Kudo de Kudo. Kudo, pas Kudo. Kudo. Kudo, c'est une compagnie de cellulaire. Exactement. J'avais appelé ailleurs. Ouais, c'est correct. Mais elle était quand même ce design-là qui est quand même magnifique. Et on a amélioré certaines affaires cette année avec la Mazda 6. On a changé la grille en avant, entre autres. On a modifié des trucs. Là. Ouais, c'est pas exactement comme si on n'avait pas retouché. Là. C'est ça. On l'a rajeunie juste assez pour qu'elle garde une allure jeune, parce que des fois, des voitures qui sont un peu laissées aller, on modifie un peu, mais la voiture vieillit mal quand même. Celle-là, elle vieillit très bien parce qu'on la modifie au fil des années juste pour lui garder son allure jeune. On change des choses à l'extérieur, à l'intérieur. Puis vraiment, sa grille, sa calandre, c'est ce qui lui donne son allure agressive. La manière qu'on l'a conçue, ça donne vraiment une allure agressive à cette voiture-là. Puis est dynamique à conduire. La boîte de vitesse, la combinaison boîte de vitesse moteur est quasi parfaite dans cette voiture-là. C'est vraiment quelque chose qui est très bien. Là, on sent pas que le moteur force jamais. On sent pas qu'on n'a pas le bon rapport qui a été choisi. La voiture hésite jamais. C'est une voiture qui est dynamique à conduire, qui est aussi confortable. On se fait pas brasser. Les suspensions sont fermes, mais confortables. C'est-à-dire, oui, c'est une voiture qui peut avoir un comportement sportif sur la route, mais pas au détriment de se faire brasser puis perdre son dentier à moitié chemin. T'sais. C'est vraiment confortable. Ouais, mais il faut dire que cette année, elle a eu quand même pas mal de... Elle a eu quelques modifications qui sont quand même importantes. Un, au niveau du moteur. Ouais. C'est pas le même moteur que c'était auparavant. Non, 4 litres turbo. 4 litres turbo, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Non. On a aussi intégré, comme c'est le cas de toutes les nouvelles Mazda, le fameux système SkyActiv-G, qui est le contrôle vectoriel de la force, G. Mm-hmm. Bon, c'est de toute beauté à dire de même, mais c'est vraiment, moi je pourrais dire, c'est vraiment là évident comme changement. Là. C'est, on le sent dans la conduite, on le sent dans le confort, on le sent partout, même comme passager. Ouais. Surtout si tu conduis un peu dynamique. Là. Si tu conduis en ligne droite sur l'autoroute, ça ne change rien, mais si tu commences à prendre des courbes un peu, tu le sens que c'est plus stable, c'est beaucoup plus stable. Là. Effectivement. Alors ouais. Ça, déjà, c'est quand même important. Là. Oui. Ça, l'intérieur, vraiment joli. Bon, on a le même système de divertissement que dans les autres voitures. J'ai connu les mêmes problèmes. Ça, c'est l'horreur. Problèmes. Non, c'est pas l'horreur. Puis t'apprends à l'apprécier beaucoup quand la semaine d'après ou quelques semaines d'après, une Volvo. T'apprends à apprécier. J'aime beaucoup mieux celui de Mazda que celui de Volvo, clairement. Celui de Mazda, tu lui demandes quelque chose, t'as le changement de poste le lendemain matin. Là. Au moins, c'est évident comment aller changer le poste chez Mazda. Chez Volvo, c'est pas le cas. Mais en tout cas, l'intérieur est vraiment bien fini. Les sièges confortables, c'est vraiment bien fait. C'est sûr que y a différentes couleur d'intérieur, vous pouvez choisir. Moi, j'avais l'intérieur gris sur gris, fait que c'est un peu plus monotone. Mais puis l'extérieur, mais c'était le plus beau rouge de l'univers, là, qui est le rouge Mazda, là, qui est vraiment magnifique. L'intérieur, j'aurais aimé peut-être un peu plus de punch, mais vous pouvez l'avoir si vous prenez un intérieur comme beige ou pierre. Là. C'est un intérieur qui est comme beige grisé, là, qui est vraiment, vraiment joli, qui est mon intérieur favori chez Mazda. Puis pas mal un des plus beaux que j'ai vu dans les voitures que j'ai conduites cette année. C'est vraiment bien. À part la Stinger qui avait un intérieur rouge, que ça c'était comme sur une autre planète. Là. Mais c'est vraiment bien. Puis fait que c'est une voiture qui a vraiment tout pour être, t'sais, une leader de sa catégorie. Pourtant, les gens vont toujours vers d'autres choses que ça. Fait que je trouve ça un peu bizarre. C'est probablement que les gens prennent pas le temps d'aller l'essayer puis de la conduire pour pas choisir cette voiture-là. Effectivement, on n'est pas tout à fait dans ce monde-là non plus. Tu sais, le problème avec la Mazda 6, c'est qu'elle se situe un peu... Quand tu prends la version la plus élevée, là, la version signature, ouais, tu te situes à la limite des voitures de luxe. Et là, ben, le nouveau moteur, on n'en a pas parlé beaucoup, mais c'est quand même un moteur turbo qu'on appelle un turbo dynamique. Ouais. Faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que c'est pas exactement un biturbo, parce que normalement, un biturbo, tu as un petit turbo puis un gros turbo, donc tu n'as pas de délai. Mais le turbo dynamique, c'est un peu ça aussi. Ça maximise la pression à bas régime, donc ça te permet d'éviter les délais, ce qu'on appelle le turbo lag. Oui, c'est ça, qui est vraiment apparent dans certaines voitures. Là. Effectivement. Fait que ça, c'est vraiment incroyable. Ce que tu as mentionné beaucoup, c'est l'intérieur. Évidemment, je suis d'accord avec toi. C'est encore un des plus beaux intérieurs dans sa catégorie. Ouais. Et si tu prends la gamme signature, toi, tu n'as pas eu la haute gamme, mais la gamme signature, il faut rappeler que c'est fait avec du vrai bois. Donc, chez Mazda, on mise beaucoup, beaucoup sur ce genre de trucs-là. Alors, t'as raison, c'est une voiture qu'on aurait intérêt à mieux connaître, une voiture qu'on aurait intérêt à mieux découvrir, et c'est un peu dommage que les gens n'y allent pas, mais il faut dire qu'on est dans une catégorie qui n'est pas particulièrement populaire par les temps qui courent, celle des berlines intermédiaires, même si, étrangement, tout le monde a renouvelé ou à peu près a renouvelé sa berline intermédiaire au cours de l'année. Ouais, mais c'est une catégorie qui est en déclin, t'sais. C'est pas... c'est pas des voitures que tu vois beaucoup sur la route, puis c'est pas une voiture qui est beaucoup en demande non plus, là. Tu sais, si on voit que, tu sais, la Malibu, puis les autres, tu sais, la Fusion, puis les autres voitures de cette catégorie-là sont pas... C'est pas ce que les gens recherchent présentement, là. Il y a peut-être juste la Camry qui sort un peu du lot, parce que c'est une Toyota, puis le nom Camry, tu sais, comme... est élevé au-dessus des autres, là, puis là, encore un peu, mais tu sais, pour le reste, c'est plus difficile pour les autres. Mais tu sais, regarde ça comme il faut, là. La Malibu a été refaite et c'est loin d'être une mauvaise voiture. Oh, c'est vraiment... c'est une excellente voiture. La Mazda 6, c'est une excellente voiture. C'est une auto qui aurait vraiment avantage à être mieux connue. Mm-hmm. La Accord, c'est une très bonne voiture. La Camry, c'est une super voiture. Honnêtement, si tu regardes cette catégorie-là, même la Fusion a été améliorée. Dans deux semaines, je m'en vais essayer la nouvelle Nissan Altima. Mm-hmm. On est vraiment dans une gamme de voitures où c'est probablement, je dirais, la catégorie où c'est le plus compétitif, où les voitures sont les plus efficaces. Ouais. Et ça, c'est vraiment particulier. Ouais, c'est une catégorie où les voitures sont tellement au coude à coude parce que c'est toutes des bonnes voitures. Puis après ça, tu te ramasses avec une... C'est en même temps la catégorie qui est... probablement dans les moins vendus parce que les gens se détournent de ça. Les gens qui veulent une voiture comme ça vont souvent aller chercher un VUS à la place ou quelque chose du genre, tu sais. Puis, tu sais, même cette voiture-là, c'est assez surprenant, le côté consommation, j'ai terminé ma semaine à 8,2 litres au 100 km, c'est loin d'être vilain, là. Effectivement, c'est ça, je te dis, c'est particulier comme... C'est vraiment une catégorie où il y a probablement les meilleures voitures du monde. Et c'est vrai aussi dans le cas des voitures de luxe, hein, ouais. Faut le dire. Tu sais, les Audi A4, les Mercedes Classe C, les, tu sais, là, on est vraiment dans une catégorie absolument spectaculaire. Enfin, honnêtement, c'est dommage que ça soit une catégorie qui a autant de difficultés, mais bon, il y a d'excellentes voitures dans cette catégorie-là, il faut le dire. Exactement. Bon, Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, mon Facebook, Marc Bouchard, évidemment. Sinon, Twitter, Marc Souligné Bouchard. Sinon, Instagram, Bouchard Souligné Marc. Et bien entendu, info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel à laquelle on peut être rejoints tous les deux. Donc, on répond à tous vos commentaires, bien entendu. Oui, moi, c'est sur Twitter, Scalazormo, sur Facebook, Luc Desormeaux, sur Instagram, Desormeaux Luc. Vous pouvez nous visiter notre site qui est saroulradio.com et vous pouvez écouter l'émission soit à travers Google Play, à travers iTunes ou sur sportradio.ca et Radio Média Plus. Si vous désirez juste télécharger l'émission pour l'écouter sur votre ordinateur, ben juste aller sur saroulradio.com, choisissez l'émission que vous voulez écouter. Il y a un petit bouton play, vous pouvez l'écouter directement du site web si vous voulez, ou sinon, ben il y a le lien pour télécharger en haut de page. Là, vous avez juste à cliquer droit et faire sauvegarder sous. Vous pouvez sauvegarder ça sur votre ordinateur. Il y a plusieurs manières de nous écouter. Si vous voulez vraiment nous écouter, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir le faire. C'est pas mal ça. J'ai comme juste eu un petit drôle de glitch quand tu as dit sauvegarder sous. Je me suis demandé pourquoi tu étais sa brosse en sauvegardant, puis ça a comme pris 2 secondes avant que je réalise que c'était... Que c'était pas ça que je disais. C'est pas ça que tu disais, je m'excuse. C'est la fin de l'émission, hein. Je suis toujours un peu plus fatigué à ce moment-là. Il est quand même de bonne heure le matin, donc je te pardonne. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté encore une fois cette émission, puis on se dit bonne fin de semaine ou bonne semaine, dépendant quand est-ce que vous écoutez cette émission, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Bye, bonne semaine.